Monsieur Jourdain revient avec l'argent promis à Dorante et apprend de sa bouche que tous les cadeaux, dont un diamant, qu'il fait parvenir par l'entremise de Dorante à une marquise dont il s'est entiché, sont du meilleur effet, et que la marquise viendra aujourd'hui même chez M. Jourdain profiter du repas et du ballet organisé en l'honneur de celle-ci. De son côté, Mme Jourdain songe au mariage de leur fille Lucille avec Léante, projet qui comble la servante Nicole, amoureuse de Coviel, le valet de Cléante. Et justement, Cléante, avec son valet Coviel, rejoint Madame Jourdain, Nicole et Lucille, follement éprise de Cléante.